Troisième journée, 27 mars. Les concours vélocipédiques ont lieu au vélodrome nouvellement construit au Nouveau-Faller. 10 champions prennent part au concours. Le signal donné, tous s'élancent. La course est de 100 km, c'est-à-dire 300 tours de piste. L'intérêt des spectateurs, assez vif au début, ne tarde pas à s'affaiblir, car le spectacle devient monotone et le froid se fait vivement sentir dans cette plaine complètement découverte. Vers 3 heures, le roi fait son entrée, accompagné des membres de la famille royale et d'Alexandre, roi de Serbie, arrivé depuis la veille à Athènes. Le concours se prolonge, mais peu à peu, les champions, épuisés de fatigue, se retirent. Il ne reste plus que deux en présence, le français M. Flamand et le grec M. Colétis. M. Flamand fait une chute, mais se relève aussitôt, est enfin proclamé vainqueur. Durée de la course, 3 heures, 8 minutes et 19 secondes, 1/5. Colétis est en retard de 11 tours. Le pavillon français est arboré au haut du mât, aux applaudissements enthousiastes de tous les spectateurs qui font la plus brillante ovation au vainqueur, brisé de fatigue. Il reçoit ainsi que M. Colétis les félicitations de la famille royale. Le soir, par suite du mauvais temps, l'affluence est peu considérable dans les principales rues et places de la ville, qui continueront à être illuminées pendant toute la durée des fêtes.